Chapitre troisième. Plus on se hâte, moins on avance. Marguerite pensait précisément à Mr. Henry Lennox et aux questions qu'il lui avait faites sur la manière dont elle emploierait son temps lorsqu'elle serait à la campagne. Quand on parle du soleil, on en voit les rayons. Marguerite, en se faisant cette remarque à elle-même, devint toute rouge, posa sa planche et tendit la main à celui qui entrait. Avertissez maman, dit-elle à Sarah. « Nous avons tant de questions à vous faire, monsieur Henry, à propos de cette chère Edith. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir pensé à venir. Ne vous avais-je pas dit que je viendrais ?» répondit-il d'un ton plus bas que celui qu'avait pris Marguerite. « Mais j'avais entendu dire que vous étiez si loin au fond des Highlands que je croyais bien que vous oublieriez le Hampshire. » « Notre jeune couple, dit-il d'un air plus dégagé, à tant de folie, s'est tellement exposé en gravissant les montagnes, en naviguant sur le lac à tort et à travers, que j'ai pensé qu'ils avaient besoin d'être surveillés. Et je vous assure qu'un mentor leur était indispensable. Mon oncle ne pouvait y suffire. Le pauvre homme en avait des transes continuelles, au moins 16 heures sur 24, et j'ai cru qu'il était de mon devoir de ne les quitter qu'après les avoir embarqués sains et saufs à Plymouth. Vous avez donc été à Plymouth ? Oh, cette chère Edith ne m'a pas parlé de tout cela. Il est vrai qu'elle était si pressée la dernière fois qu'elle m'a écrit. Se sont-ils réellement embarqués mardi dernier ? Certainement. Ils sont partis et m'ont enfin délivré de toute responsabilité. Je suis chargé de vous dire une foule de choses de la part d'Edith. Je crois même avoir un billet minuscule à vous remettre. Précisément, le voilà. Merci mille fois, s'écria Marguerite. Et désirant savoir le contenu du billet et en faire la lecture sans témoin, elle partit sous prétexte d'aller chercher sa mère, que Sarah avait sans doute négligé d'avertir. Dès qu'il fut seul, Mr. Lennox jeta autour de lui son regard observateur. Le petit salon, tout inondé de soleil, était dans l'un de ses bons moments. De gros bouquets de roses entremêlés de chèvrefeuilles se penchaient du dehors et encadraient la fenêtre du milieu qui formait une baie profonde. Des corbeilles de géranium et de verveine émaillaient la petite pelouse de leurs brillantes couleurs. Mais tout cet éclat faisait paraître l'ameublement du salon encore plus pauvre et plus fané. Les rideaux de Perse avaient été lavés bien souvent. Le tapis était loin d'être neuf. Et Mr. Henry trouvait ce salon bien misérable pour servir de cadre à Marguerite, qui avait l'air d'une reine. Il prit l'un des livres qui se trouvait sur la table. C'était un volume de Dante, Le Paradis, en vieil italien, relié de parchemin blanc rehaussé de filets d'or. À côté de ce volume était un dictionnaire et quelques lignes de la main de Marguerite. Une liste de mots tout bonnement pris au hasard, et qui sembla néanmoins l'intéresser vivement. Il est évident que le revenu de la cure est aussi mince qu'elle l'avait annoncé, dit-il avec un soupir. Et c'est une chose singulière car les Beresford sont d'une très bonne famille. Marguerite, pendant ce temps-là, avait trouvé sa mère. C'était l'un de ces jours où Mrs. Hale, plus nerveuse, plus agacée que jamais, s'irritait d'un rien et voyait des difficultés partout. Elle envisagea donc l'arrivée de Mr. Lennox comme un inconvénient, bien qu'au fond elle se sentît flattée de sa démarche. « Comme cela tombe mal, » s'écria-t-elle. « Nous avons précisément déjeuné plus tôt qu'à l'ordinaire, et l'on ne nous a servi que de la viande froide pour que les deux servantes puissent se mettre à repasser. Il faut pourtant bien inviter Mr. Lennox à dîner. Le beau-frère d'Edith, c'est une obligation. » Avec cela, ton père est ce matin d'un abattement incroyable. Je suis allé tout à l'heure dans son cabinet. Je l'y ai trouvé la tête sur la table et le visage dans ses mains. Je lui ai dit que l'air de ce pays-ci ne lui convenait pas mieux qu'à moi. Il s'est relevé immédiatement et m'a prié de ne rien dire contre Halstone, ajoutant que c'était l'endroit qu'il aimait le mieux au monde. Je n'en suis pas moins persuadé que c'est un lieu malsain et humide. Il semblait à Marguerite qu'un nuage lui cachait tout à coup les rayons du soleil. Elle avait écouté sa mère avec patience, dans l'espoir que ce flux de paroles déchargerait l'esprit de Mrs. Hale, et pensa qu'il était temps de la ramener au sujet de leur entretien. « Papa aime beaucoup Mr. Lennox, » répondit-elle. « Je suis sûre qu'il sera enchanté de le voir, et que cette visite lui fera du bien. Ils se sont entendus à merveille au mariage de ma cousine. Quant au dîner, chère maman, ne vous en tourmentez pas. La viande froide est parfaitement convenable pour une collation. Et c'est ainsi que Mr. Lennox envisagera le repas que nous partagerons avec lui au milieu de la journée. Mais il n'est que 10h30. Que ferons-nous dans lui d'ici là ? Je vais le prier de venir avec moi dans la forêt. Je sais qu'il dessine. Cela vous en débarrassera. Tenez seulement lui dire bonjour, car il serait étonné s'il ne vous voyait pas. » Mrs. Hale ôta son tablier de soie noire et sa figure prit un air plus aimable. Elle était charmante encore lorsqu'elle voulait être gracieuse, et elle accueillit Mr. Lennox avec la cordialité qu'on témoigne presque toujours à un allié de sa famille. Le jeune avocat s'attendait évidemment à ce qu'on le priât de passer la journée au presbytère, et accepta avec tant d'empressement l'invitation qui lui était faite, que Mrs. Hale aurait bien voulu pouvoir ajouter quelque chose à sa viande froide. Du reste, Mr. Henry semblait on ne peut mieux disposé. Tout lui plaisait. Il était ravi de la proposition de Marguerite et ne voulut pas permettre qu'on dérangeât Mr. Hale puisqu'il le verrait à dîner. Marguerite alla chercher tous ses matériaux de peinture et quand ils eurent choisi le papier et les pinceaux qui leur étaient nécessaires, ils sortirent tous les deux pleins d'entrain et de gaieté. « Si vous voulez, nous nous arrêterons ici tout d'abord, » lui dit Marguerite. « J'ai eu ces cottages devant les yeux pendant les 15 jours de pluie que nous venons de subir. On aura dit qu'il me reprochait de ne pas les avoir encore dessinés. » Il est vrai que si vous voulez en faire le croquis, vous ferez bien de ne pas trop différer, car l'année prochaine, il pourrait avoir disparu. Mais ce n'est pas tout, il faut trouver à s'asseoir. On dirait que vous sortez de votre cabinet du temple au lieu d'arriver des Highlands. Regardez ce beau tronc d'arbre que les bûcherons ont laissé précisément à l'endroit le mieux éclairé. Je vais y étendre mon plaid, et ce sera comme un trône. Avec ce bourbier servant de tabouret au pied de votre majesté. Mais attendez. Venez par ici, vous serez plus près des cottages. Qui est-ce qui demeure dans ces masures ? Des squatteurs les ont bâtis il y a 50 ou 60 ans. L'une d'elles est inhabitée et sera démolie par les gardes forestiers aussitôt après la mort du vieillard qui demeure dans l'autre, et que voilà précisément. Il faut que je lui parle. Mais il est tellement sourd que vous entendrez tous nos secrets. » Le vieillard, appuyé sur son bâton et la tête nue, se chauffait au soleil devant la porte de sa cabane. Son visage sévère eut un sourire lorsqu'il vit Marguerite se diriger vers lui. Mr. Henry s'empressa de croquer la jeune fille et le vieillard, dont il fit le motif principal de son aquarelle, ainsi que Marguerite s'en aperçut quand le moment fut arrivé de retourner au presbytère et de se montrer réciproquement ce qu'on avait fait. « C'est une trahison, » dit-elle en riant et en rougissant à la fois, tandis que Mr. Lennox l'épiait d'un regard attentif. « Je ne pensais guère que vous me prendriez, ainsi que le vieil Isaac, pour sujet de votre esquisse, lorsque vous m'avez demandé l'histoire de ces cottages. » Je n'ai pas pu m'en empêcher. La tentation était trop forte. Je n'oserais pas vous dire combien cette ébauche me sera précieuse. » Il n'était pas bien sûr qu'elle eût entendu cette dernière phrase, car au moment où il la prononçait, Marguerite s'était approchée du ruisseau pour laver sa palette. Elle revint l'instant d'après, un peu rouge, un peu essoufflée, mais sans manifester le moindre embarras. Mr. Lennox pensa qu'elle n'avait rien entendu, et s'en félicita, car ces mots lui avaient échappé malgré lui. Chose extraordinaire chez un homme dont toutes les actions et les paroles étaient préméditées. Tout allait bien à la maison lorsqu'ils y arrivèrent. Les nuages qui avaient obscurci le front de Mrs. Hale pendant la matinée avaient disparu complètement, sous l'heureuse influence de deux belles carpes qu'un voisin lui avait apportées fort à propos. Mr. Hale venait de finir sa tournée quotidienne et attendait son hôte à la petite porte du jardin. Malgré son vieux chapeau et son habit râpé, Il n'en avait pas moins l'air d'un parfait gentleman. Sa fille était fière de lui, et voyait toujours avec attendrissement et avec orgueil l'impression favorable qu'il produisait sur tous les étrangers. Marguerite jeta sur son père un coup d'œil rapide, et remarqua sur son visage la trace de nouvelles inquiétudes refoulées un instant, mais non pas dissipées. Mr. Hale pria les deux amateurs de lui montrer ce qu'ils avaient apporté. « Le chaume du cottage est trop sombre, » dit-il à Marguerite en lui rendant son aquarelle, et en tendant la main pour prendre le croquis de Mr. Lennox, qu'il ne garda qu'un instant. « Je ne crois pas, » répondit Marguerite. « Les plus dernières ont embruni la joubarbe et l'herbe aux perles. N'est-ce pas que c'est bien ressemblant ?» ajouta-t-elle en regardant avec son père l'ébauche que rapportait Mr. Henry. « Extrêmement, » dit Mr. Hale. « C'est tout à fait cela. Ton ensemble, ta manière de te tenir et celle de ce pauvre Isaac, dont la grande taille, courbée par le travail, roidie par les rhumatismes, ne peut plus se redresser. Quel est cet objet qui est accroché à cette branche d'arbre? Ce n'est pas un nid, je suppose. Oh non, c'est mon chapeau. Je ne peux pas dessiner la tête couverte. L'application que j'y apporte m'anime tellement que j'ai toujours trop chaud quand je barbouille. Je voudrais bien savoir si je pourrais faire une figure. Il y a ici tant de personnes dont je voudrais avoir le portrait. Je suis convaincu d'avance que vous saisiriez parfaitement les traits de ceux que vous essayeriez de peindre, si vous le vouliez fermement, répondit Mr. Lennox. J'ai une foi pleine et entière dans la puissance de la volonté. Je crois du reste en avoir donné la preuve tout à l'heure dans le croquis que j'ai fait de vous. Mr. Hale les avait précédés dans la maison, tandis que Marguerite cueillait des roses pour sa toilette du dîner. Une jeune fille de Londres comprendrait bien ce que je veux dire, pensa Mr. Lennox. Elle voit toujours un compliment caché sous les paroles que lui adresse un jeune homme, mais je ne crois pas que Marguerite... Laissez-moi vous aider, s'écria-t-il en cueillant plusieurs roses que la jeune fille ne pouvait pas atteindre. Et partageant avec elle, il en conserva deux qu'il mit à sa boutonnière, pendant que Marguerite, heureuse et légère comme un oiseau, rentrait bien vite pour arranger ses fleurs. On se mit à table. La conversation fut à la fois douce et animée. On avait de part et d'autre tant de choses à se demander sur Edith et son mari, sur les dernières lettres que Mrs. Shaw avait adressées de Naples, que l'intérêt des paroles de chacun, la simplicité des habitudes du presbytère, sans prétention mais non sans grâce, et par-dessus tout la présence de Marguerite, firent oublier à Mr. Lennox le désappointement qu'il avait d'abord éprouvé en voyant combien le revenu de la cure de Helstone devait être médiocre. « Tu aurais bien dû te procurer quelques poires pour le dessert, mon enfant, » dit Mr. Hale à Marguerite, au moment où l'on posait sur la table une bouteille de vin hospitalièrement décantée pour la circonstance. Mrs. Hale fut vivement contrariée de ces paroles. N'aurait-on pas dit que le dessert était chez elle une chose inusitée et qu'il s'improvisait sans plus de cérémonie quand par hasard on venait à y songer? Mr. Hale n'avait qu'à se retourner pour se convaincre du contraire. Il aurait vu des biscuits, de la marmelade et d'autres douceurs rangées sur le buffet avec la symétrie d'usage. Mais Mr. Hale paraissait tenir aux poires et ne voulait pas en démordre. « Il y a, dit-il, à l'espalier du midi quelques beurrés qui valent tous les fruits étrangers et toutes les confitures du monde. Vas-y, mon enfant, et rapporte-nous les plus beaux et les plus mûrs. » « Je propose d'aller manger ces magnifiques beurrés au jardin, » s'écria Mr. Lennox. « Rien n'est plus délicieux que de mordre dans un fruit savoureux encore tout imprégné des rayons du soleil. La seule chose qu'il y ait à craindre, c'est que parfois les guêpes sont assez impudentes pour venir vous les disputer au moment où vous en jouissez le plus. » Il se leva comme pour suivre Marguerite, qui avait déjà disparu, et n'attendait que la permission de Mrs. Hale pour courir au jardin. Celle-ci aurait préféré que le dîner marchât tranquillement, selon les us et coutumes, surtout après s'être donné la peine de tirer de l'armoire avec Dixon les verres à vin de Bordeaux, afin de se conformer à l'étiquette rigoureuse que devait conserver la sœur de la veuve d'un général. Mais comme son mari s'est élevé en même temps que le jeune homme et se préparait à accompagner son hôte, il fallait bien qu'elle acceptât la proposition qui était faite. « Je prends un couteau, » dit Mr. Hale. « Je ne suis plus à l'époque où je mangeais les fruits de la manière primitive que vous venez de me rappeler. Il faut aujourd'hui que je pèle ma poire et que je la coupe par quartier avant de la déguster. » Marguerite posa les poires sur une feuille de betterave qui en fit admirablement ressortir la couleur d'or foncé. Mr. Lennox la regardait bien plus qu'il ne regardait les poires. Mais son père, décidé à jouir complètement des heures qu'il dérobait à l'inquiétude, choisit avec soin le plus mûr des fruits qu'elle lui présentait et alla s'installer sur un banc pour savourer sa poire à loisir. Marguerite et Henry se promenaient de long en large sur la terrasse devant l'espalier du midi, où les abeilles avaient leur ruche et butinaient en bourdonnant. « Quelle heureuse existence vous paraissez avoir dans cette maison. J'avais toujours méprisé les poètes et leurs désirs, une chaumière à côté d'une colline. J'ai peur aujourd'hui de n'avoir été jusqu'à présent qu'un badaud de Londres. Il me semble que 20 années de droit et de procédure seraient amplement compensées par quelques mois de cette vie d'une exquise sérénité. Quel beau ciel, quel admirable feuillage de pourpre et d'ambre, quelle paix délicieuse !» ajouta-t-il en montrant la forêt qui entourait le jardin, placé comme un nid au milieu de la feuillée. Je dois vous rappeler que notre ciel n'est pas toujours d'un bleu aussi pur que maintenant. Nous avons des nuages, de la pluie. Nos feuilles tombent chaque hiver. Souvenez-vous enfin du mépris avec lequel vous avez écouté ma description un soir que je vous parlais d'Elstone dans un coin du salon de ma tante. Du mépris, Marguerite ? L'expression est un peu dure. Peut-être, mais s'il m'en souvient bien, je vous disais tout simplement ce que je sentais, et vous, comment exprimer cela? Vous avez parlé sans respect de ce cher Elstone, comme d'un village de roman, d'une décoration d'opéra. Cela ne m'arrivera plus, dit-il avec ardeur. Ils tournèrent le coin de la terrasse. J'aurais presque désiré, Marguerite. Henry s'arrêta en balbutiant. Il était si peu naturel au brillant avocat d'hésiter dans ses paroles que Marguerite, surprise, l'interrogea du regard. Mais un je ne sais quoi dans l'air du jeune homme lui inspira le désir d'avoir sa nièce ou son père auprès d'elle, le désir de s'éloigner. Car elle était sûre qu'il allait dire quelque chose d'embarrassant et qu'elle ne saurait y répondre. Cependant, retrouvant tout son orgueil, la fière jeune fille parvint bientôt à dominer cette agitation passagère. N'était-ce pas une faiblesse honteuse de reculer devant n'importe quelle parole, quand sa propre dignité suffisait pour mettre un terme au discours qui pouvait lui déplaire ? « Marguerite, » lui dit-il tout à coup en lui prenant la main. Elle se trouva donc forcée de l'entendre et l'écouta d'un air calme, tout en se méprisant à cause du trouble intérieur qu'elle éprouvait malgré elle. « Marguerite, » reprit-il, « je préférerais que vous eussiez moins de prédilection pour Elstone, que surtout vous y fussiez moins tranquille et moins heureuse. J'avais espéré qu'après ces 3 mois d'absence, vous regretteriez Londres et les amis que vous y avez laissés, du moins un peu, assez pour écouter plus patiemment un homme qui n'a que des espérances à vous offrir, mais qui vous aime, et presque malgré lui. Je vous fais de la peine, Marguerite. Oh, parlez-moi. » Ses lèvres tremblaient comme s'il avait voulu pleurer. Elle fit un violent effort sur elle-même et lorsqu'elle fut plus calme. J'étais surprise, répondit-elle d'une voix ferme. Je ne soupçonnais pas vos intentions à mon égard. Je pensais à vous comme à un ami, et je croyais que vous aviez pour moi un sentiment analogue à celui que je ressentais pour vous. Je suis triste des paroles que vous m'avez dites. Je ne peux pas y répondre comme vous l'auriez voulu, et cependant j'aurai tant de chagrin de vous blesser. Marguerite, dit-il en plongeant son regard dans les yeux si largement ouverts de la jeune fille, et qui exprimaient la franchise et la bonté. Marguerite. Il allait lui demander s'il en aimait un autre, mais il lui sembla que cette question serait une insulte à la sérénité de ce regard si pur. « Pardonnez-moi, je me suis trop empressé, j'en suis puni. Permettez-moi seulement d'espérer, Dites-moi que vous n'avez jamais rencontré personne. » Il s'arrêta encore et ne put achever sa phrase. Marguerite se reprochait vivement d'être la cause de sa douleur. « Oh, dit-elle, si vous n'aviez jamais eu cette idée-là, c'était un si grand plaisir de penser à vous comme un ami. Je peux espérer qu'un jour viendra où vous penserez à moi comme un amant. Pas maintenant, je le vois. Rien n'est pressé. Mais cela viendra, n'est-ce pas, Marguerite ?» Elle garda le silence pendant une ou deux minutes, essayant de découvrir la vérité au fond de son cœur avant de répondre à cette question. « Vous n'avez jamais été pour moi qu'un ami. J'aime à penser que vous l'êtes encore, mais bien certainement vous ne serez jamais autre chose pour mon cœur. Oublions que cet entretien a eu lieu. » Le mot « désagréable » lui était venu à l'esprit, mais elle l'avait arrêté sur ses lèvres. « Vous avez raison, » reprit Mr. Lennox après un instant de silence et du ton froid qui lui était habituel. « Puisque vos sentiments à mon égard demeurent inébranlables et que cette conversation vous a déplu, il vaut mieux ne pas se la rappeler. Rien, dans certains cas, n'est plus sage que l'oubli, j'en conviens. Mais quelle que soit la bonté de ces théories, la pratique, du moins pour moi, en sera bien difficile. « Vous êtes fâché, » dit-elle. « Mais pouvais-je répondre autrement ?» Elle avait l'air si profondément triste en disant cela, qu'après un instant de lutte intérieure, il lui répondit d'un ton moins glacial, bien qu'il eût encore un peu de sécheresse dans sa voix. « Il faut être indulgente, Marguerite, non seulement pour un malheureux qui voit son amour repoussé, mais encore pour un homme qui n'a rien de romanesque dans le caractère, qui est en général prudent, positif même, et que la force de la passion a fait sortir de sa nature. Je n'en parlerai plus. Je me consolerai en me bafouant de ma propre folie. Un avocat tout entier aux affaires, qui va songer au mariage. » Marguerite ne trouvait rien à répondre à ces paroles dont elle était froissée, et qui évoquaient toutes les dissonances que certains côtés du caractère de Henry formaient avec le sien. Pourtant, Mr. Lennox était le plus aimable de tous les hommes qu'elle eût rencontrés jusqu'alors, l'ami le plus sympathique, la personne qui la comprenait le mieux de toutes celles qu'il avait vues chez sa tante. Elle sentait une nuance de mépris se mêler au chagrin qu'elle éprouvait de l'avoir refusé. Un léger dédain relevait sa lèvre, quand, par bonheur, ayant fait le tour du jardin sans le savoir, ils se retrouvèrent tout à coup en face de Mr. Hale, qu'ils avaient complètement oublié. Le pasteur n'avait pas encore fini sa poire, dont il avait délicatement enlevé la pelure en longs rubans d'une extrême ténuité, et dont maintenant il savourait la chair fondante avec une lenteur réfléchie. Quelques minutes s'étaient à peine écoulées depuis que Marguerite avait quitté son père. Mais cet instant avait produit sur lui le même effet que ce bassin magique où un roi d'Asie plonge à la tête, et d'où il se releva immédiatement chargé de l'expérience que peut donner une longue carrière. Elle restait profondément étonnée et se sentait incapable de prendre part à la conversation banale qui avait lieu entre son père et le jeune avocat. Elle ne comprenait pas comment celui-ci pouvait parler avec cette insouciance, tandis qu'elle ne parvenait point à distraire sa pensée de ce qu'elle venait d'entendre. Quant à Mr. Lennox, il ne désirait pas moins vivement s'en aller qu'elle ne souhaitait son départ. Mais il croyait devoir à son amour-propre ou à sa dignité le sacrifice de quelques instants d'entretien, malgré l'effort que lui coûtait cette légèreté apparente. De temps en temps, il regardait le visage pensif de Marguerite et se disait, en voyant sa tristesse, « Je lui suis moins indifférent qu'elle ne le suppose, et je ne dois pas désespérer. » Il avait mis la conversation sur l'existence de Londres et sur la vie qu'on mène à la campagne. Il en parlait avec une certaine ironie dont la verve s'éteignait subitement, comme si, ayant conscience de l'être railleur qui parlait en lui, il avait eu peur de ses propres satires. Mr. Hale n'en revenait pas. Il ne reconnaissait plus l'individu qu'il avait rencontré au mariage de sa nièce et qu'il avait eu à sa table quelques instants auparavant. Ce n'était pas l'hôte dont la conversation pleine de charme l'avait captivé, mais un homme d'un esprit léger, subtil, d'un caractère mondain, antipathique à sa nature, et ce fut un véritable soulagement pour tous les trois quand Mr. Lennox dit qu'il lui fallait partir immédiatement, s'il voulait profiter du convoi de 5h30. Ils revinrent à la maison où Mr. Lennox avait à prendre congé de Mrs. Hale. Au dernier moment, le véritable Henry brisa la glace et reparut tel qu'il était réellement. « Ne me méprisez pas, Marguerite, » lui dit-il en partant. « J'ai un cœur, malgré toutes les sottises que je viens de dire. La preuve, c'est que je vous aime davantage, si toutefois je ne vous hais pas, pour le dédain avec lequel vous m'avez écouté tout à l'heure. Adieu, Marguerite, adieu. »